« Grâce à moi !» s'écria Crevel, dont la figure était devenue violette. « Grâce à la fortune de Célestine, » répondit l'avocat. « Et si vous regrettez d'avoir donné, comme une dot venant de vous, à votre fille des sommes qui ne représentent pas la moitié de ce que lui a laissé sa mère, nous sommes prêts à vous les rendre. « Savez-vous, monsieur mon gendre, » dit Crevel, qui se mit en position, « qu'en couvrant de mon nom Madame Marneffe, elle ne doit plus répondre au monde de sa conduite qu'en qualité de Madame Crevel. « C'est peut-être très gentilhomme, » dit l'avocat, « c'est généreux quant aux choses de cœur, aux écarts de la passion, mais je ne connais pas de nom, ni de loi, ni de titre qui puisse couvrir le vol des 300 000 francs ignoblement arrachés à mon père. Je vous dis nettement, mon cher beau-père, que votre future est indigne de vous, qu'elle vous trompe, et qu'elle est amoureuse folle de mon beau-frère Steinbock. Elle en a payé les dettes. C'est moi qui les ai payées. Bien, reprit l'avocat, j'en suis bien aise pour le comte Steinbock, qui pourra s'acquitter un jour. Mais il est aimé, très aimé, souvent aimé. Il est aimé, dit Crevel, dont la figure annonçait un bouleversement général. C'est lâche, c'est sale et petit, et comment de calomnier une femme. Quand on avance ces sortes de choses-là, monsieur, on les prouve. Je vous donnerai des preuves. Je les attends. Après-demain, mon cher monsieur Crevel, je vous dirai le jour et l'heure, le moment où je serai en mesure de dévoiler l'épouvantable dépravation de votre future épouse. Très bien, je serai charmé, dit Crevel, qui reprit son sang-froid. Adieu, mes enfants, au revoir. Adieu, Lisbeth. Suis-le donc, Lisbeth, dit Célestine à l'oreille de la cousine bête.